Asturiano, la rime d'un blast MC. Frère, je précise la connexion plus attendue que le Messi. On vient péter sa pétasse, t'attendais que ça. Les dix, ça sont comme ça, c'est sale, demande à faire ça. Mes poumons noircissent comme mon cœur, trop donneuse. Faut que je stoppe la clope, le shit et les michetonneuses. 2009, moi je baisse ton enceinte. J'en place une à tous les frères qui souhaitent le synthé. Dans mes textes, un arrière-goût d'absinthe. Abstiens-toi si tu veux test, moi je viens crever l'abcès. Même sur une prod de Timbaland, on se balade. J'suis pas trop Timberland, mes petites Nike Air banales, t'es malade. J'évite de traîner sans massa, dans le crâne et fait de massa. Des grosses cintes, t'es massa. J'trouve la faille, éclate le mal qui brise le beat en 4. La rime, c'est la sous-boîte qui vise le titre et qui pousse 4 fois. Ouais, on vient péter ça. À la rage, tu connais la belle. Blast homicide, ça donne des tueries à la peine. On vient péter ça. On fume ça, on nique ça, et dès que ça pète, nous on kick ça, passe, on dit que ça. On vient péter ça. La Marne est saine, on égo trip, c'est avec les tripes. On vient tout péter sur un gros titre. Ouais, on vient péter ça. Juste 3 MC détestables, nous teste pas, car aujourd'hui on vient péter ça. Ouais, on vient péter ça. C'est à 3 qu'on vient tout niquer. Dans la cabine de Babtou, un petit frère Martinique. Questionne d'ablast, on pète ça sans demander de baisser ta. J'prends la gove, un flash, un petit bout de charasse et j'me déplace. Lyrics coup de poignard, MC Madin Espagna. Les jaloux qui parlent, nous arrivent pas au panard. On pète ça peinard pour nos potos, plus poissard que vénard. C'est pour tous nos honnards qui se tuent au sky et pas au pinard. Qui dit mix dans la massa, divine son mic à massacre. Si homicide à l'arrache, les faux MC on déclasse. Que tu sois premier de la classe ou un gros chien de la casse, c'est pour toi qu'on kick à 77 pour la dédicace. No puedo callarme boca, ben a cuchillarme. No puedo testar maricón, non, solo scoot charme. Notre rap t'as déjà charmé, c'est pour toi qu'on répète ça. J'sais que t'as kiffé beaucoup de nos couplets, même ceux qui étaient ça. Ouais, on vient péter ça. À l'arrache, tu connais la belle. Blast homicide, ça donne des tueries à la belle. On vient péter ça. On fume ça, on nique ça, et dès que ça pète, nous on kick ça, passe, on dit que ça. On vient péter ça. La Marne est saine, on égo trip, c'est avec les tripes. On vient tout péter sur un gros titre. Ouais, on vient péter ça. Juste 3 MC détestables, nous teste pas, car aujourd'hui on vient péter ça. Et ouais, à 3 on vient péter ça, pas besoin de te répéter ça. J'ai bien chargé la masse, apparaît comme un guerrier Maasai. On nique ça, on baisse ça, on kick ça, façon dit que ça. Et dès que ça pète, on appelle Blast pour qu'il mixe ça. Pas de mix ça, bébé, pas là pour passer la pommade. À force de traîner dehors, même les babs tout ont la pommade. Nourri au grec sans tomate, en fin de soirée quand ça comate. Mate les refrains qui tirent une latte entre deux sourates. Du haut de nos quartiers pour rap, ça court vite quand ça chourave. On compte même plus les coucards qu'on finit en pleurs dans l'ocave. On soutient nos gars, donc c'est en bande qu'on vient péter ça. Bébé, tu kiffes nos sons, pas nous on bande quand tu désables. Vim ça aiguiser les sables, la rime est postée dans les arbres. Pareil pour le guet-apens, car pareil que dans le rap faut des armes. Faut pas nous prendre pour des ânes, spécialiste du dressage. Moi ça fait 10 années que je rappe, mais je préfère rester sale. Ouais, on vient péter ça. À l'arrache, tu connais la belle. Blast homicide, ça donne des tueries à la belle. On vient péter ça. On fume ça, on nique ça, et dès que ça pète, nous on kick ça, passe, on dit que ça. On vient péter ça. La Marne est saine, on égo trip, c'est avec les tripes. On vient tout péter sur un gros titre. Ouais, on vient péter ça. Juste 3 MC détestables, nous teste pas, car aujourd'hui on vient péter ça. Ouais, on vient péter ça. À l'arrache, tu connais la belle. Blast homicide, ça donne des tueries à la belle. On vient péter ça. On fume ça, on nique ça, et dès que ça pète, nous on kick ça, passe, on dit que ça. On vient péter ça. La Marne est saine, on égo trip, c'est avec les tripes. On vient tout péter sur un gros titre. Ouais, on vient péter ça. Juste 3 MC détestables, nous teste pas, car aujourd'hui on vient péter ça. Aïe. On a pété ça. Si, si. Tablas MC, MC tout terrain. Larry, L'Asturiano. Aïe.